maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau. Et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit 7 Match. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, 7 Match, c'est maintenant sur Skyrock. Passez une bonne soirée, c'est reparti, une nouvelle semaine dans Planet Rap. 7 Match, comment ça va messieurs? Ça va très bien. Bienvenue, je sais que vous arrivez de Montpellier et on sait recevoir généralement Montpellier, je le vois d'ailleurs là. Parce que vous êtes venu accompagner. Ouais, c'est... on est venu armé de cette bouteille de champagne. Qui est assez incroyable, hein, j'ai jamais vu ça. Hein. Ouais, elle est en hoodie en fait. C'est une bouteille de champagne hip-hop, 100% hip-hop. Ouais, c'est ça, c'est la première bouteille de champagne 100% hip-hop en fait. Mais elle a mis la capuche aussi parce qu'il pleut très très souvent à Paris. Ah donc. Ouais, vous êtes, ça doit être dur d'arriver ici, de quitter MTP. Exactement. De quitter Montpellier pour le temps dégueulasse, ça paraît. Surtout pour la pluie. On peut pas dire que vous avez apporté le soleil, les gars. Bon, en tout cas, vous avez apporté le champagne. Corps et âme. Déjà, c'est très bien. Si vous voulez voir les images de l'émission, allez faire un tour sur le skyrock.fm. Sinon, on prendra des photos, elles seront dispo sur le planetrap.skyrock.com. Bienvenue à vous. En tout cas, c'est le premier Planet Rap pour cet match. Ouais. C'est bien ça, ouais. Je vous ai vu parfois, vous êtes passé. Exactement. Dans l'émission. Ouais. Exactement. Tout à fait. Et là, il y a un album qui est dans les bacs depuis une semaine maintenant. C'est ça. Cozy Bang Bang. Qui s'appelle Cozy Bang Bang. C'est ça. Ouais. Cozy Bang Bang. Il faut bien dire le bang bang, c'est bang bang quoi. Ouais, d'ailleurs, ce serait bien avec toute l'équipe de le faire parce que tout à l'heure j'ai vu que pour la petite vidéo vous l'avez faite. Ouais, t'inquiète pas. Tu veux qu'on le lance? Bah oui, quand même. Allez, vous êtes chaud ou quoi? Attention. Vous êtes chaud ou pas? Alors ça fait cozy cozy bang bang, cozy cozy bang bang, cozy cozy bang bang. Ah, ça commence. C'est comme ça que ça se passe. On dirait qu'on est dans Fort Boyard, les gars. Ah ouais, tu trouves? Ouais, sors. C'est chaud. Bon bah bienvenue à vous, en tout cas on va faire connaissance avec vous. Vous êtes trois dans le groupe. Ouais, c'est ça. Groupe de potes à l'origine. Hein. Groupe de potes complètement. On peut se présenter tranquillement. Moi c'est JD Vibes sur. Non, tranquille. J'y venais mais vas-y, tu as raison. Bah du coup moi on est trois, donc trois Montpellierins. Il y a lui qui est à Bunk, donc lui là-bas. Lung là-bas, le frangin, Bunk, Factice. Donc Bunk. C'est ça, Factice. Et moi-même, GD Vibes. Donc voilà, donc on vient tous les trois de Montpellier. Et voilà, on s'est rencontrés depuis le collège. Il y a Boone qui est arrivé un peu plus tard sur Montpellier. Et on a connecté. À l'origine, vous êtes 4, hein, c'est ça. À l'origine, vous êtes 4. Ouais, c'est ça. Et puis, la vie fait qu'à un moment, on se retrouve à 3. Ouais. Des choses qui arrivent dans un groupe. Non, mais non, ça fait quand même un certain temps, depuis 2010, qu'on est à 3. Et ça a commencé à monter à partir du moment où on était 3. Donc ça n'a pas trop. Il y a un EP qui a fait du bruit aussi, hein, qui a fait beaucoup parler de vous. Avec le morceau MTP, Bopeloula. Avec notamment ce morceau. Et juste avant de parler un petit peu de ce parcours, on va se plonger directement dans cet album qui est sorti la semaine dernière, Cozy Bang Bang, qu'on découvre. On vous a préparé un petit medley pour avoir un petit peu l'ambiance musicale de 7 Match. Ça donne ça. Super. Ce soir, Planet Rap, 7 Match. Tu pensais que j'allais taper la soirée gentiment. Pépère dans le building, dans le bâtiment. Touré du quadrillé de secteur, sache. Fais tous des erreurs, allez pas ma vitesse. Les stats, moi je dis cette année, on explosera les chats. Planet Rap. Elle m'a tué, elle m'a eu, c'est elle qui m'a fumé. Elle m'a vu dans tous mes états, tout végétal, je l'aime démaquiller. Elle m'a tué, c'est pour mes gars sur au visage pâle. Qui la préfère bonne et mature, Lisa. Planet Rap. On est hygiène et pas large d'épaule. Toujours en bande pour supporter l'école. On voulait refaire le monde, merde. On faisait les fous pour que les adultes se prosternent. C'est des mages. Moussa. Planet Rap. Laissez-nous au calme. Laissez-nous chiller. Pour une fois qu'on a l'occasion, on va pas la laisser filer. Planet Rap, c'est des mages. Loin des excès, j'ai grand besoin d'air frais. Loin de vous, loin de tout, mon égo, je demande juste qu'on me laisse faire. Moi, pas de séduite, je vis, je rêve, je l'évite. On subit quand le soleil touche son zénith. Le temps s'arrête ici, on se laisse vivre, on se perd dans toutes les tentations. L'alcool, les meufs la rêve. Je suis amoureux des dames, chic, celle qui joue de leur charme. Je savoure toutes les femmes, puis ceux qui adorent les armes. Je les aime, je les adore. Déshabillé, c'est mon style. Je les aime, je les adore. Éparpillé dans mon lit. Quoi de neuf mon négro? C'est quoi ma faute? Je voulais pas vraiment le faire. Je vois pas pourquoi tu m'accuses, tu me connais. Dans ma tête c'est l'enfer. Please reviens dans ma vie. Please reviens dans ma sphère. Et j'arrêterai, promis, de draguer toutes les meufs de la terre. Ok. Tous les soirs 20h-21h en direct avec 7 et Matt sur Skyrock. Voilà un petit peu l'aperçu de ce qui vous attend sur cet album. Où on retrouve d'ailleurs en titre bonus le morceau dont on parlait là. MTP. Ouais, le MTP et Sunset. Voilà, et Sunset également. Ouais. C'est 7 et Match, nos invités entre 20 et 21. On en était aux présentations. Donc yes. Voilà, on a les blases de vous trois. On a un petit peu donc l'histoire, histoire de bande de potes. Ouais, de rencontres. De MySpace, on s'est rencontrés. Moi, quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai checké Facti sur MySpace à la grande époque. La grande kiffé. Époque, ouais. Et j'ai kiffé, ouais, mais calme-toi. Détends-toi. J'ai kiffé, mais je kiffe plus trop en fait. Faudrait que je te le dise. Non, on s'est rencontré comme ça. On a commencé à faire un son, deux sons, un petit EP, à produire nos propres concerts sur Montpellier. Et ensuite, comme il y avait d'autres potes qui gravitaient autour, on a le groupe s'est vite enrichi de deux MC supplémentaires. Et on a tourné. Ouais, c'est avant tout. Ouais, il y a beaucoup de scènes quand même aussi hein, ouais, sur votre histoire à vous. Hein. Bah, on s'est découvert comme on s'est découvert une vraie passion scénique quoi. Disons que la scène, c'est le côté sportif du rap, c'est le côté adrénaline, le côté t'as un retour direct quoi. Tu vois, tu prends un million de vues sur YouTube, t'es content, mais t'as pas un genre. Ouais, tu sens pas le truc quoi. Tu sens pas le truc. Et le live, ouais, ça nous a de suite. On a été bien coachés aussi. On a fait notre première résidence scénique avec Vislo. Vislo du Saiyan, ouais, j'allais y venir, qui était un personnage important aussi pour vous. Ouais, carrément. Très grave. Grave. Le Saiyan, c'est un groupe qu'on a en commun déjà. C'est important dans un groupe qu'on a en commun et qu'on a vu tous sur scène et qu'on respecte beaucoup. C'était quand même une folie furieuse sur scène. Ah, sur scène, c'était assez hallucinant. On très mal. Hein. Ouais. Et on était d'accord là-dessus, donc on s'est un peu engouffré là-dedans. Vislo, quel rôle il joue là-dessus sur la scène plutôt, sur la façon de d'appréhender le côté scénique. Il nous a débloqué un peu. Parce qu'on a fait c'était la période où on était quatre encore. On est passé à trois en fait à ce moment-là. Et là, je pense qu'il nous a donné vraiment un coup de boost où on a fait une semaine avec lui. Il nous a vraiment appris à bouger, à occuper la scène. À partir de là, on a vraiment plus poussé le groupe vers aussi beaucoup de live. Quoi. Et c'est vrai, quoi, je disais beaucoup de live. Et beaucoup de live d'ailleurs qui se prolongent cet été. J'ai 2-3 dates d'ailleurs à vous filer. Ouais. Prochaine date, ce sera Polémieux au Mont d'Or. C'est ça, samedi. Donc c'est samedi. Exactement. Le 3 juillet, Festival Les Eurocaines à Belfort. Le 25 juillet. Ah, j'ai l'impression que. Ça, on l'attend. Vous attendez cette date avec impatience. Ah, ouais, ça va être fou. C'est un gros festival. Toutes les dates. 25 juillet à Ribérac au Grand Souk. Festival Le Grand Souk, à pas loupé. Ouais. 22 août, Marseille au Positif Festival. Ouais, ça va être débile aussi, ça. Ça va être très, très chaud. Bah, ça, pas très loin de la maison. Donc, exactement. Vous jouez pratiquement à domicile, j'ai envie de dire, à Marseille. C'est presque ça. Ouais. Presque. 3 octobre, La Cigale, ça, c'est à Paris. Et ouais. En force. Vous allez revenir chez vous. Venez avec le soleil, c'est bien, 3 octobre. Sans les shorts. On attaquera bien, je pense. Et 14 novembre à Senon aussi. Et puis je suppose qu'il y aura encore plein d'autres dates qui vont s'ajouter parce que vous tournez beaucoup. C'est vrai que ça fait partie du groupe. Vous n'avez pas attendu média ou quoi que ce soit pour exister. Vous avez d'abord existé en faisant vos projets aussi, déjà. Exactement, premièrement. Ouais. Et puis en les défendant sur scène. Et ouais, puis on s'est vite rendu compte que c'est grâce à ça qu'on arrivait à bouffer et à continuer à vivre pleinement de notre vous passion. Vous faisiez quoi d'ailleurs avant? C'est quoi les études surtout? Ou la glandouille? Il y avait un peu des. Voilà. Ouais, en transition, il y a eu un peu de. Qui faisait de la radio? Il y en a un de vous? Moi, j'ai fait de la radio. Tu as fait de la radio, toi? Ouais, j'ai fait de la radio. Bah, c'est bien, tu vas pouvoir même un moment cette semaine si j'ai un coup de mou. Ouais. T'étais où? Oh, j'ai fait de la radio associative quand je suis arrivé à Montpellier. Bah, on commence tous à un moment. Ouais, c'était pas vachement bien. Ils m'ont bien accueilli et puis ça m'a permis d'être connecté dans la ville assez rapidement. Ouais, bon plan faire de la radio pour avoir toutes les soirées, les trucs, les machins. Exactement, toi-même tu sais, ouais. J'ai une petite expérience. Ouais, pareil, ouais. Ouais, fais de la vidéo aussi, je fais beaucoup de vidéos. C'est moi qui réalise la plupart des clips du crew en collaboration avec Valentin Petit ou David Lacherrois notamment. Et voilà, et à un moment donné, on s'est lancé, on s'est fait un pari sur un an d'avoir notre intermittence. Ouais, il y a un moment où vous dites, bon, allez, on va tenter le truc ou ça reste qu'une passion. Mais c'est dur des fois, tu vois, quand t'as deux dates par semaine, c'est dur de continuer ton taf. Quand c'est vendredi, samedi, ça va, tu vois, après c'est très... Quand c'est en semaine, ouais, c'est plus ouais, quand c'est en semaine, il faut faire un choix à un moment donné. Quand c'est trop souvent, on a fait un choix et on a réussi. Le choix pour l'instant, il est... Ouais, il est réussi, c'est cool. il est plutôt réussi pour l'instant, non? Ah ouais, on est content, ouais, c'est clair. Et l'album donc est sorti il y a une semaine, il s'appelle Cozy Bang Bang. On va écouter un morceau avant de revenir aussi sur le parcours du groupe. On débutait avec l'hymne. C'est bien ça. Ouais, tout à fait. On peut dire que c'est un hymne. C'est le premier clip en plus qui est sorti, c'est le premier extrait qu'on a sorti de l'album. Ouais, c'est le morceau qui tourne le mieux, on est content. Bah écoute, qui tourne, c'est une très bonne idée, ça va très bien avec le morceau, on l'écoute maintenant. Le titre c'est Kush sur Skyrock et c'est Cozy Bang Bang l'album. C'était match. Je reste avec elle à tout prix, je la suis partout, je fais la groupie calmer. C'est elle qui m'a bridé, personne résiste à ses charmes. J'avoue qu'elle est possessive, elle me rend moutre chétif. L'amour, elle s'en bat les couilles, elle veut du papier. Quelle salope quand elle hausse les prix, fallait bien qu'elle monétise. Top, j'ai pris assez de douille, moi qui pense gagner. Elle m'a fumé, elle m'a vu dans tous mes états, doux végétal, je l'aime démaquillé. Elle aime la cure, c'est pour mes gars sur au visage pâle. Qui la préfère bonne et mature, Lisa Anne. Depuis je l'ai quitté, mon négro maintenant je me tue au Jaga. Je la fréquentais au lycée, elle me finançait mais quel prix achat. J'avais les yeux qui brillaient quand je la voyais, ça fait en Prada. Encore une qui pensait tranquillement s'installer dans ma vie de pacha. Elle est belle. Ma tête elle est la bord, des pensées saines ou des pensées ternes. Je vois mes neurones qui s'évaporent. Elle danse dans le vent, comme la mif, je l'ai dans le sang. Elle fait des miracles, chaleur et mirage, elle m'aide à rester dans le temps. En collant résine, je l'ai croisée en médecine. Je lui souhaite autant de liberté que j'en souhaite à la Palestine. J'aimerais bien qu'elle me laisse tranquille, qu'elle se casse ou que je m'émancipe. Et quand elle chope la grosse tête, je la déracine. Dans le fond c'est la seule, je ne veux vraiment pas la quitter. La flamme pourra toujours se raviver et se réanimer. Son départ laisse toujours une odeur fraîche dans le cendrier. Si elle n'est plus là, c'est le drame, je me remets à teaser. Baby, baby, baby. C'est Planète Rap avec 7 et match et ce morceau donc qui s'appelle Kush à l'instant qu'on retrouve sur l'album Cozy Bang Bang. C'est sorti une instru de Richie Beat. Voilà, ah, on bah, Richie Beat qu'on salue évidemment. Il y a qui d'ailleurs qui a bossé? On peut saluer un petit peu les gens qui ont bossé sur cet album. Beaucoup de monde. Ouais, 9 beatmakers différents. Beatmakers pour 14 morceaux. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, 9 beatmakers différents. On se tente à les citer tous là. Ouais, ou quelques-uns. De toute façon, on a toute la semaine. Donc, voilà, il y a Dave Lux, D-Twice. Alors, il y a Classify, Dave Lux, D-Twice. Non, j'ai pas. Et voilà, ça y est. Et Abstract. Phase, Abstract. Stu. Lewis Cullen, ouais, Twin Stack. Ouais, ouais. Je suis bon là. Moody Attention. Monk. Moody Monk. Ouais. Et voilà. C'est pas mal, les Richie Beats. Richie Beats, voilà. Et si j'en ai oublié un, putain, je sais pas, mais non, je pense que là, j'en ai pas mal. Il y a Phase aussi, frère. Phase, je l'ai dit, frère. Ah, autant pour Twin Stack, quand même. Bon, de toute façon, on est toute la semaine pour vous rattraper. Mais oui, tranquille. J'aime bien recevoir un petit message. Non, mais pour nous, c'est moi, merde. C'est le fer de lance, un petit peu, tout. Aller chiner des prods, aller chercher des digger des beatmakers. C'est vraiment notre. Et vous, vous bossez avec une façon assez particulière, vous vous déplacez avec un home studio en permanence, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que cet album, il a été fait un peu partout. Ouais. On se loue des petits gîtes à la campagne, en Dordogne, tu vois, des petits trucs tranquilles, bien négociés et pas chers. Où il n'y a pas trop de tentations, mais. Bon, pas une piscine et un barbecue, non. Voilà, pas trop de tentations, effectivement. Et on se cale et on redresse des matelas et on fait une espèce de cabine. Donc, par exemple, le Kush a été enregistré où? C'est quoi les souvenirs de ce morceau quand vous l'écoutez? À la campagne, Kush a été enregistré. Ouais, en Dordogne. On a ouvert l'instru dans une voiture. On allait je sais pas où. On réécoutait l'instru. On rentrait, on était en voiture. Il y a Bon qui était à l'arrière avec son ordinateur. Il a sorti cette prod. On a commencé à écouter ça. Ouais, faut faire un morceau. C'est chaud, et tout. Les gars. Là, on fait ça. On a traîné depuis longtemps dans mon ordi. En fait, Kush, c'est une prod que Richie avait envoyé à Tiller, l'équipe de Tiller, donc qui arrive, je crois d'ailleurs. Ouais, il y avait déjà fait ça. Et il nous l'avait envoyé, puis on avait fait ouais, ça va, c'est cool. Et puis après, on l'a réécouté, puis on a fait mais c'est lourd. C'est lourd de dingue. Et ça a été fait en un jour. Et puis c'est vrai que c'est aussi le côté vachement scénique. Ça se ressent d'ailleurs sur l'album. On sent que c'est des morceaux, ça, à mon avis, sur scène, ça devait. Vous avez commencé à le jouer peut-être, ou à le tester un peu. Ça devait être un truc assez incroyable, ce morceau. On a fait une grosse pré-tournée, on a pu tester vraiment beaucoup de morceaux. Et celui-là, c'est celui que les gens. De toute façon, on le voit même sur YouTube, c'est celui que les gens retiennent le plus. Ils retiennent les punchlines, ils retiennent les paroles. Et ils sautent, ils dansent. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. C'est fou ça. Pourtant, tu dis que c'est des trucs compliqués. Mais non. Ça... Ouais, couche, que. Ça glisse tout seul. Tiens, dites-nous si vous avez vu cet Match en concert, vous aussi. Allez balancer vos messages avec le hashtag 7 et Match sur Skyrock. Tous vos messages à 7 et Match, nos invités. Entre 20 et 21, il y aura du live d'ailleurs aussi tout à l'heure. Parce qu'on disait ça. Le live, c'est quelque chose d'important pour vous. Complètement. On va faire un petit live, un petit extrait de notre live. Voilà, il y aura Kush à nouveau, un nouveau en live. Il y a aussi Akeda qui est avec nous, là, notre DJ qui est sur scène. Ah bah oui. Oh, du bruit pour Akeda. Il est là, il m'a l'air en pleine forme. Il est en pleine forme. Très bien, on pourra l'entendre tout à l'heure. C'est lui qui sélectionnera les prods. C'est quoi, c'est des morceaux plutôt côté freestyle, plutôt morceaux d'album que vous allez faire? Non, c'est dans le live plus, ouais. Ouais, c'est un live, mais mix des deux. On va kicker d'ailleurs sur une de ses prods d'entrée. Premier morceau, ça va être. Parce que c'est aussi un producteur parisien. Qui bosse et qui est chaud, quoi, et qui roule avec nous sur scène, qui est très très chaud, qui va sortir un EP bientôt d'ailleurs. Donc voilà, Akeda pour tous ceux qui sont curieux d'aller voir, c'est très chaud. On pourra en reparler aussi dans la semaine. Qu'est-ce qu'on met dans un instant, messieurs? Quel autre morceau on peut faire découvrir? Tout s'achète. Aux gens qui n'ont pas encore cet album, tiens. Tout s'achète, ça tombe bien, tout s'achète l'album. Tout s'achète l'album. On va commencer par ça. Ouais, c'est un morceau. C'est vrai, on aurait dû débuter avec ça. Sur une prod de phase, peut-être. Ou on aurait. Ouais, achète-le vite, ouais. Non, tout s'achète. Prod phase. Et tiens, on va aussi en profiter pour demander non seulement si vous avez vu cet Match sur scène, mais vos morceaux, puisque l'album est sorti il y a une semaine maintenant. Vos morceaux préférés de l'album, balancez-les avec le hashtag 7 Match sur Skyrock. Exactement. Et on va revenir donc avec ce titre qui a été enregistré. Je vais vous le faire à chaque fois. En fait, on des fois, c'est une galère, les morceaux. On l'a commencé sur une instru. Et après on a fait, frère, ton instru elle est bien, mais il faudrait la faire mieux. Et du coup on a basculé complètement sur une autre instru. Et ça s'est fini à Montpellier, ouais. D'accord, tout donc s'achète. Ça, celui-ci, le souvenir que vous avez, c'est la ville, c'est la maison, c'est Montpellier. Ouais. C'est ça, le petit salon de Bunk même. Toi-même tu sais, ouais. Et bah bougez pas, dans un instant il arrive ce morceau, c'est juste après ça. Freestyle par téléphone, vous repartez avec des cadeaux cette semaine à l'occasion de la sortie du film Poltergeist en 3D qui sort le 24 juin. Donc c'est quand? C'est cette semaine le 24? Bah ouais. C'est ça, c'est après. C'est mercredi. Film évidemment d'horreur, hein, Poltergeist, avec des tablettes Samsung Galaxy Tab à choper. Si vous venez rapper dans l'émission, c'est pour vous. Tu m'en diras tant. 759. Pardon? Non, tu m'en diras tant, je disais. Ah, bah, je pensais que tu voulais faire un freestyle par téléphone. Ah ouais, je pourrais faire ça. D'ici la fin de semaine pour récupérer une tablette. Bougez pas, on revient après. Hey. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit 7 et match pendant une heure complète ce soir. Planet Rap, 7 et match. 7 et match entre 20 et 21. Planet Rap. Yes, 7 et match. 7 et match. 7 and match. Yeah. Avec nous entre 20 et 21. Et l'album qui est à découvrir cette semaine, il s'appelle Cozy Bang Bang. Yeah. Tous les soirs entre 20 et 21. En plus, c'est, messieurs, un super concept qui s'appelle le Street Apéro. Yes. Ça, vous savez me parler. Ouais. Le prochain aura lieu quand? C'est demain. Le prochain aura lieu quand? C'est demain. C'est demain chez Tiller, à la boutique Tiller, 11 rue d'Alexandrie d'ailleurs. Et à Paris, pour les. À Paris, ouais. À Paris, ça commencera à 16h30. Exactement. Ah oui, vous commencez tôt, le Street Apéro. On commence tôt, ouais, tranquille. Bah, pour être là à l'heure. Ouais. C'est Street Apéro du Sud. Et c'est aussi une séance de casse-dead en fait. Donc les gens viennent avec leur album, on leur envoie leur casse-dead, les CD. Et les gens qui se ramèneront avec l'album, on va en sélectionner quelques-uns pour qu'ils puissent venir avec nous à Skyrock. Et qui gagnent. Et même, et qui gagnent aussi, du coup, le droit de venir ici. Le droit de venir ici et un t-shirt. Et un donc t-shirt venez aussi, avec l'album. Ouais. Ou alors vous montrez sur le portable, vous avez bien téléchargé légalement. Hein. Ouais. Non, ça marche ou non? Inch'Allah. Ouais. Inch'Allah, ça passe. Non? L'album, c'est mieux comme ça. On verra. Ça se négocie, mais l'album, c'est mieux quand même. Vous préférez l'objet physique. Ouais. On récompense l'objet physique. Très bien. Donc demain, Street Apéro, 16h30, 11 rue d'Alexandrie. D'Alexandrie, c'est ça. Deuxième, si je dis ça. Et après, s'ils sont vraiment chauds, on va tous au Wanderlust. Ah bah oui. Et là, c'est un vrai street apéro. Ah bah comme là, ça, c'est... Voilà, c'est de 16h30 ça commence à 16h30. Du mat. Voilà. Je sens que mercredi, on va être bien. Ouais. Mercredi, c'est sieste. Ah ouais, c'est sieste obligatoire. Donc, c'était match avec nous. Cozy Bang Bang à découvrir. On avait promis un morceau juste avant la pub. On l'écoute maintenant. Tout s'achète. Ouais. C'est ça. C'est parti. Si c'était match, laisse-moi compter tes billets. Tout s'achète grâce à la monnaie. Le pouvoir, la morale et tes couilles avec. Tout s'achète grâce à la monnaie. Le pouvoir, la morale et tes couilles avec. Tout s'achète grâce à la money. Je veux que ma go soit une caissière et son grand-père l'abbé Pierre. Je veux le beurre, l'argent du beurre et bien sûr le tarama de la crémière. Tout s'achète même la retraite. J'aurais du bif de même peut-être. Et quand t'as peur qu'elle vieillisse, ben tu payes pour que ta meuf soit refaite. On veut des billets. On pourrait voler, tricher, tuer juste pour quelques billes. L'argent pourrit trop de monde. Le coffre fort est trop sombre. On achète nos styles de vie. On achète même nos tombes. Les meufs se vendent à de pratiques. Les mecs leur achètent leur plastique. Ils achètent leur vote pour que leurs élections soient plus pratiques. Hein? On achète des armes pour se tester. Billets. Plus de respect. Money. Money. Le pouvoir, la morale et tes couilles avec. Tout s'achète grâce à la money. La vie c'est une chaîne, je l'ai croisée dans un bar à pute. Plus aucune règle, je me fais sucer par madame la juge. Je peux acheter ton silence, tout comme t'achètes l'album. Je peux t'acheter morte ou vivante, salope ou vierge comme la madone. Avec de la money, second cabriolet, je l'aurai. Voilà ce que disent les gens qui vivent que pour les billets violets. Tout s'achète, et y'a tout à faire. T'aimes pas mes idées, j'ai qu'à viser pour que ton jeu nous touche à terre. Je pourrais mettre Paris en bouteille, acheter l'album du Wooten. Il fait de la blanche toute la semaine, aime la faire en slalom le week-end. Ah, négro, tout s'achète. La chatte à ta grand-mère et tes couilles avec. Yeah. Tout s'achète grâce à la monnaie, monnaie, monnaie. Le pouvoir, la morale et tes couilles avec. Tout s'achète grâce à la monnaie, monnaie, monnaie. C'est 7 et match. Fais-moi voir tes billets. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Yeah. Yeah. Laisse-moi compter tes billets. Laisse-moi compter tes putains de billets. Allez, putain. Ici, tout ce qui compte, c'est les billets. Tu veux que je te dise ou quoi? On s'en bat les couilles. Tout s'achète à l'instant, c'est un morceau de l'album pareil, c'était match. Yes. En concert, ouais. Celui-ci, pareil, il doit pas laisser sa place à un autre. Très mal, ça, c'est ça. Ça doit être efficace. À l'instant, un extrait de Cozy Bang Bang, l'album qui est dans les bacs depuis une semaine avec C'était Match. Dans quelques minutes, on attaquera du live avec vous. Ouais. On pourra peut-être même repasser un morceau si vous avez une envie particulière d'un titre. Pourquoi pas? Carrément, ouais. Tout ce que tu veux, Fred. Tout ce que tu veux. Bah, moi, il y en a plein. C'est pas ma faute, il y a Jeune que j'aime bien. Enfin, il y a. Fallait pas m'inviter. Fallait pas m'inviter. C'est celui-là peut-être. Qu'on pensait mettre. Ouais. Ah bah, pour le premier soir. Ça tombe très bien. C'est dans un instant, bougez pas. Et juste avant, par téléphone, je vous présente l'Algérina de Bordeaux. Salut l'Algérina. Ça va? Hola, bah, hola. Et toi? Hey, yo. Ça va toujours, ça va. Bienvenue. Ça va? Bah, ça va depuis ça va, 30 ça va. Secondes, ça va. Ouais. Ça a pas bougé. Pareil. L'Algérina, ça va? Ouais, ça va. Ah, ça ok, va, si ça va. Ça va. Est-ce que t'es prête à attaquer le freestyle? C'est parti, freestyle par téléphone. Cette semaine, vous repartez avec des tablettes Samsung Galaxy Tab. C'est. J'ai pas le numéro exact, mais ça doit être la dernière, je pense. Bah oui, vraiment. Forte chance. C'est celle qui est lourde. Sinon, c'est dommage. Et à l'occasion de la sortie du film Poltergeist qui sort mercredi, c'est parti, on t'écoute rapper. Ok. T'inquiète, Paris, on va s'en charger. C'est le début. C'était match. Ok. Ils prennent des phrases de post-bad et pensent être des poètes. Si c'est pas moi, c'est Gotham racheté par l'État Koweït. Eh, Farid, je m'en charge de ces bons. Ramène tes rappeurs prometteurs. C'est mort contre L4L, je viens de nulle part. Dans le hall à faire des débats, trop abonné à l'huissier. Quand il arrive, je lui sers un carroi. Des écrits venant du cartel, pas des beaux-arts. Flot d'une calache algérienne niveau N, c'est tout Sarah. Je peux pas médicapter, je bête rien qu'il se braque. Le rap, une maladie, on va finir hip-hop country hack. De ma génération, je porte le brassard, c'est dit. Un bête hypocrisie vient de derrière comme la. Ils crachent sur leur tête, y'a pas marre à son poster. Gentille fille, devenue la reine des boucanières. Entre nous, y'a un fossé, creusé car tu verras. Cherche pas la franchise dans nos yeux, point écarlate, amiga. Forgé par les grands, les coups endurcissent. C'est pas parce que t'es malade que les genoux, je m'attends ton pif. Là-bas, tiens, fonce d'invite, on n'a pas les mêmes vêtus. Ici, ça pue la rat, crois que le tiède, c'est du pétu. Gotham, c'est loin d'être la sagesse du Dalai Lama. Hâte pas trop, c'est bien réel. Amar, on a trop sous Tony quand ce bras s'en stimule. Et j'parle jamais d'armes dans mes têtes. Ok, ouais, l'Algérina à l'instant. Faites du bruit pour elle. C'est Bang Bang. C'est l'Algérina Bang Bang à l'instant de Bordeaux. Merci à toi, l'Algérina. Lourd l'assistant. Merci à vous. Merci à vous. Tu as les félicitations de cet match en plus. C'est gentil. T'as bien fait de venir rappeler. Bang Bang à l'instant. Petite dédicace à passer. On peut te retrouver d'ailleurs sur le net quelque part. Dédicace à mon grand frère Farid, Larsen, à Manel, Leila, Bouchra, Juliana, Karima et tout. YTF évidemment. Il y a 7 matchs. Bang Bang, il faut choper l'album. Merci. Force à toi. Et bon, je disais, on peut te retrouver sur le net. T'as une adresse affilée. J'ai Twitter, Sarah L'Algérina, SARAHL4LGERINA, ou pareil, c'est pareil sur YouTube et voilà, il y a Instagram. Sarah L'Algérina, merci à toi. Merci à vous. Passe une bonne soirée. C'est 7 et match, nos invités entre 20 et 21. Juste avant d'attaquer le live, on avait promis un autre morceau. C'est ouais, fallait ça. Pas m'inviter, bah, allons-y bien. Fallait pas, qui a été enregistré où, comment, dans quelles conditions. C'était à Montréal. Ah, aussi, c'était Canada. Si, c'était à Montréal, dans l'hôtel. On avait commencé par enregistrer le. Dans le hall. Allez, vers l'heure du rêve, frère. C'était à Montréal. Alors, donc on était à Montréal. Sur le toit de l'hôtel. Sur le toit qui était un hôtel absolument incroyable. Il y avait Kendrick, il y avait Asap. On a commencé à balancer le refrain. Il y avait une piscine, non? Il n'y avait pas une piscine sur le toit. Il y avait une piscine, forcément. Voilà. À fond, du champagne, tout ça. Il y a même des voitures sur le toit, non? Exactement. Trop chaud, les gars. Et le résultat, ça donne ça. C'est exactement. Ça. Yeah! C'était match. Ouais, ouais. Yeah. Bah ouais, Michael, depuis le 15 juin. Tu pensais que ça valait le coup? Qu'on ferait péter le champagne? Qu'il n'y aurait pas d'imprévu? Tu pensais que j'arrivais avec 2-3 potes, sans les potes de mes potes du genre. T'inquiète famille, tu nous pensais petits joueurs, car la beuh ça cogne, oublie les jeux d'alcool, j'en perds la tête la nuit. Tu pensais que j'allais taper la soirée gentiment, pépère dans le building, dans le bâtiment. T'aurais dû quadriller le secteur, sache qu'on fait tous des erreurs. Fallait pas ma vitesse. C'est à tes risques et périls, boy. Si on débarque, c'est pour calciner tes livres. Ouvrir ton frigo et piller tes vivres. On vient d'arriver, t'es mal barré, c'est pas le ciné, c'est huile. Hey, j'entends ta piole et je vais enfiler tes kills. Piquer tes sapes, en faire profiter l'équipe. Quand j'ai bu, je deviens psychédélique. C'est irréversible, des choses pour me stopper, juste de la weed et des filles. Tu vas me les filer et vite, ou je vais me lancer des défis. Genre, toute la merde, couper tous tes fils électriques. Draguer ta gonzesse, lui gifler ses belles fesses. Gazer la concierge, lui piquer ses clés de caisse. Ramener des meufs qui tapent la drogue dure. Faut que le son à fond, appeler les keufs pour ta page nocturne. Toi qui pensais qu'on était les bienvenus. Moi qui pensais qu'on t'avait prévenu. Mais valait pas ma vitesse. Chaîne vert sur vert, on verse tout. La tête dans les nuages, les pieds sur terre. On est sous, je me bagarre, drague ta meuf, joue les séducteurs. Mais non chérie, tout ça c'est que du bluff. Enlève tout, elle joue la frigide, donc je l'appelle la bitch. Aime du verre, surprise, baignade dans la cyprine. J'aime l'odeur du bordel, négro je suis inspiré. Je te dis à la prochaine. Fallait pas m'inviter. Hey yo yo yo, ça va toujours ou quoi les gars? Cozy bang bang dans les bacs depuis le 15 juin ma gueule. Tu pensais que ça valait le coup? Ah bon? Qu'on ferait péter le champagne? Ah ouais? Qu'il n'y aurait pas d'imprévu? Hey, hey. Tu pensais que j'arrivais avec 2-3 potes, sans les potes de mes potes du genre. T'inquiète famille, tu nous penses des petits joueurs, car la beuh ça cogne, oublie les jeux d'alcool, j'en perds la tête la nuit. Tu pensais que j'allais taper la soirée gentiment, pépère dans le building, dans le bâtiment. T'aurais dû quadriller le secteur, sache qu'on fait tous des erreurs. Fallait pas m'inviter. Fallait pas m'inviter. À l'instant, c'est extrait l'album Cozy Bang Bang de 7 et match avec nous toute la semaine entre 20 et 21. C'est ouais. Ça. Et messieurs, si vous êtes prêts maintenant, est-ce qu'on peut attaquer ce live? Moi je dis, ça dépend des gens qui sont là, tu vois. Parce qu'il y a la famille, s'ils sont chauds, on fait. Vous êtes chauds ou pas, bande d'enfoirés? Ouais. J'ai l'impression qu'on peut attaquer. Akeda, t'es chaud, ma man? Je t'entends pas, Akeda, t'es chaud, ma man? On t'entend chaud, pas. Vas-y. Ouais. Allez, c'est parti maintenant en live. C'était match découvrant en live dans l'émission. Les images sont dispo sur le skyrock.fm. Yeah! Hey yo! Yeah! Ouais, l'équipe, vous êtes chaud ou quoi? Right. Vous connaissez le gimmick? Ils sont timides. Amen, ça fait quoi? Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Cozy, cozy, bang, bang. Je vous entends pas, ça fait. Cozy, cozy, bang, bang. Je vous entends pas, ça fait. Cozy, cozy, bang, bang. Je vous entends pas, ça fait. Hey yo. Bang, bang. Ekida. Pour mes raps, pour mes homies, hein? Pour les sages, les barges et les jolies. Woo! L'ambiance, elle est calme, elle est cozy. Oui, dans ma tête, dans mes rêves, dans mes folies. Yeah. T'as voulu réveiller l'eau qui dort. Dis-moi alors quand est-ce qu'on s'isole. J'ai des pensées insensées, nos corps qui se collent. Surtout nos kippas, y'a mes potes qui dorment. Le jour se lève, j'entends ton bout de l'aide. Hein? Je flippe, je redoute, mais ta coupe se lève. Yeah. Je vis dans ma tête et je goûte les lèvres. Je remercie Dieu vers la voûte céleste. Cozy, cozy, bang, bang. Je vis d'amour et d'eau tiède. Fuck ta parano, je n'ai plus peur des triangles au sel. Cozy, cozy, bang, bang. Toujours dans le même game. Chérie, bouge ton ding-ding. Fais speed par temps pour le down-tempo. Dance on, on touche pas les mêmes sons. J'ai le flow, la tête, j'suis le bon, la bête. Je suis le diable en personne. Yeah, cozy bang. T'avais jamais rien entendu d'aussi dingue. Vrai, c'est quand j'écris, je n'hésite jamais. J'délivre des rimes, fais des disques avec ambiance. Oh, ambiance cozy. Chambre d'hôtel, champagne, bang, folie. 2015, cette équipe. J'vais passer mon temps à balancer des hits. On bouge toujours dans la main droite. Remembré, tranquille. Tranquillement tout se passe, Faka fait son entrée. Salut, j'bois, cul sec à la bouteille comme un route boy. J'ai plus le choix, négro j'vais tout droit. Vas-y approche, j't'explique l'ambiance cozy bang. Du chill des meufs et les poteaux qui trinquent. Bang bang bang. Un leader ça fait le mojo qui flingue. On dépasse très la mode. Viens voir le OG gang. Faites du bruit bande d'enfoirés. Depuis le 15 juin. Yeah my man, hey tune, flag, vous pouvez choper ça. Et hey, je veux vous entendre plus que t'as l'air la famille. Le truc est simple, hey. Ça fait cozy, cozy, bang, bang. Je vous entends pas, bon, ça fait cozy, cozy, bang, bang. C'est ça qui est bon, ça fait cozy, cozy, bang, bang. Ah, hey, ça fait cozy, cozy, bang, bang. Faites du bruit. On enchaîne ou c'est comment? Ma man envoie ça. Eh, hey, chien sauvage, extrait de l'album. Est-ce qu'il y a des putains de chiens sauvages avec nous ce soir, le voir? Nice. 15 juin, ma main, on est là, on est ensemble. C'était match. Tweeter, tweeter à fond, ma main, on est ensemble, on est là. Vous pouvez tweeter, il y a le Facebook aussi, amenez ça, on est posé. Aïe, dis-t'en, ma main. C'est pour MGP, ma gueule. C'est pour tous nos chiens sauvages, ma gueule. Yeah, le truc est simple. Yeah, yeah. On mène des vies de loups, vies de chiens sauvages. On se porte beaucoup mieux, bien loin de nos cages. On vous a pas attendu pour apprendre à marcher. On se préfère libre et en galère que bien attaché. On mène des vies de loups, vies de chiens sauvages. On se porte beaucoup mieux, bien loin de vos cages. On vous a pas attendu pour apprendre à marcher. On se préfère libre et en galère que bien attaché. Sans collier, sans collier. Il n'y a que la soif de victoire qui pourra nous égosiller. On enchaîne poches vides et parfois des tas de gros billets. Ni Dieu ni maître dans ma tanière. Consolidez vos barrières. Tu touches à la mif, c'est la mort, je le jure. Sur le chaperon, sur la tête de sa grand-mère. J'aurais du mal à faire marche arrière, j'aurais du mal à terminer ma vie enfermée. Damn, comme dirait l'autre, j'ai du caractère. Pointillé jusqu'au détail du vice, parfois j'ai les chétans. Toujours le souci du bétail. Je grogne dans la brume sous la lune quand je déraille. On mène des vies de loups, vies de chiens sauvages. On se porte beaucoup mieux, bien loin de vos cages. On vous a pas attendu pour apprendre à marcher. On se préfère libre et en galère que bien attaché. Affamé, la peau sur les os, oui je vis en marge. Nique les codes, nique les formes. Jamais mis en cage, vis en meute avec les miens. Aucun patron que des partenaires. Frappe un des miens, aucun patron que des bras de fer. Vos lois sont dérisoires, chez les miennes j'fais les règles sur mon territoire. La liberté, je la vis, tu la rêves, tu la vis à travers mes histoires. J'ai qu'une vie, qu'une ligne droite, du coup chasse les dents à chair et en. J'serai jamais tout tout au maître, qu'aboie devant la télé. J'vous entends pas Skyrock, chien sauvage. Pour moi avoir une laisse c'est comme un coup de poing dans le thorax. Le 15 juin ma gueule, on est ensemble, yeah. Chien sauvage, yeah. On est incontrôlable. On mène des vies de loups, vies de chiens sauvages. On se porte beaucoup mieux, bien loin de vos cages. On vous a pas attendu pour apprendre à marcher. On se préfère libre et en galère que bien attaché. Je tiens, je le vis bien. Ma liberté j'y tiens. Être confortablement installé dans vos cages, à négro ça me dit rien. Ouais, je préfère ronger les os. T'as fait galérer, compter les pots. Casser, m'aérer, sortir quand je veux. J'en ai rien à taper de ce qu'on fait les autres. Je vous ai pas attendu pour savoir vraiment ce que j'allais manger. Je mène une vie complètement marginale et je compte rien y changer. J'emmerde toutes vos lois, vos réglementations, je vis d'eau fraîche et de plan B. J'suis pas de ceux qui écoutent les ordres, mais de ceux qui sont prêts à étrangler. On mène des vies de loups, vies de chiens sauvages. C'est un petit pis m'amène. On se porte beaucoup mieux, bien loin de vos cages. Le 15 juin, on vous a pas attendu pour apprendre à marcher. Chiens sauvages, on préfère vivre en galère que bien attaché. On mène des vies de loups, vies de chiens sauvages. On se porte beaucoup mieux, bien loin de vos cages. On vous a pas attendu pour apprendre à marcher. On se préfère libre et en galère que bien attaché. Chien sauvage. Pour moi avoir une laisse c'est comme un coup de poing dans le thorax. Un petit bip. Chien sauvage. On est incontrôlable. Hey yo. Bon. Là, on va faire un remix d'un son qui est sorti sur Toudoubem qui s'appelle Bonne Résolution. Et on va le dédicacer à tous nos potos qui font le ramadan en ce moment. Ouais, ma man. Et qui prennent, qui sont en train de prendre de bonnes résolutions. Boubaba. Et que je sais que c'est difficile. Donc ce son, il est pour eux. Spécial casse-dead. Vas-y, envoie ma man. Ouais, ma man. Yeah. Woo. Jelly beat. Joie encore jeudi, je le répète, ça fait une semaine qu'il est sorti, c'est notre premier album, ma man. Hey yo! Je prends de bonnes résolutions, je perds le ménage dans mes textes, dans mes rimes, en effet c'est mal de squatter dans les sex shops. Je pense moi à la télé, à trop teaser, à la fête, car c'est vrai que c'est chouette de trop traîner dans les festoches. On fait peau neuve, car c'est son heure, je mange équilibré, que le trou dans les donuts. Loin de moi l'idée de te gratter ton buzz, de mendier ton touch, ou même en foot de me vanter de mon peul. Il faut que je devienne plus sage. Et toi, petite miss, mon Dieu, je voudrais que tu saches que j'ai grandi par dit l'artiste n'a plus l'âge de mentir, de feinter, de rester perché dans les nuages. Moi, je veux vivre à la cool, sortir les pieds de la boue, fumer des clopes sans additif, faire de ma crise na tout. Je ne cracherai plus dans la soupe. Je prends de bonnes résolutions, cher les points. Moi, tu perds ça hier nouvelle évolution. Que des bonnes résolutions, Skyrock. Que des bonnes résolutions avec nous, Skyrock. Que des bonnes résolutions, Skyrock. Que des bonnes résolutions. Ok, je stoppe tout, je me pose. Je fais la liste de mes bonnes résolutions. Promis, je les réalise. J'étais au pays des merveilles, mais je n'ai pas trouvé. J'évite les blagues car je ne sais combien de temps il me reste à vivre. Faut que t'arrêtes de faire six choses à la fois, où je finirai vendeur de saucisses chaudes à la fois. Ok, dès demain je commence, mais j'ai peur que mes vis ne me lâchent pas comme mon destin commence. Je dis stop à la clope, pour pas vos drogues à l'alcool. J'espère que le temps sera pas trop long car il y a du stock à la clope. Il me malmène, le mal me mène par le bout du nez. Je crois que le mal m'aime à tous ces vies, j'y suis à bout du mets. J'ai mis le temps, car vos sermons me faisaient peu d'effet. J'avais pas encore mais l'esprit sain dans un vieux déchet. Le vice me tourne autour, un jour je mets le feu à la secrétaire. Je me prends pour un stratège, mais la vie n'est qu'un jeu d'échecs. Bonne résolution, que des bonnes résolutions avec nous, Skyrock. Que des bonnes résolutions, Skyrock. Que des bonnes résolutions. Je passe mon temps à dormir, faut que j'arrête de roupiller un match. Je connais plus le mot sortir depuis que j'ai une souris et un mal. Dégoupiller un track, dégoupiller un pack. De bière et c'est clair qu'un son, je vous en publierai un fat. Oh merde, j'ai zappé que j'arrêtais la teaser les filles. Je suis déconnecté, faut que je trouve un moyen de réactiver les prix. Faut que je change mon sac de problèmes contre un sac de sable. Faut que t'arrêtes de kick et les fast bait. Mon négro, ça je peux un. L'idée, c'est d'éviter d'avoir une vie, de les guider. Faut que je lâche mes mauvais côtés et que je m'habitue à les quitter. Allô, docteur. Dans ma tête mûrisse, toutes sortes d'idées, promis, je remplis. J'irai plus mon verre, mais mon curricule en vitesse. Il faut que j'avance et que j'enclenche un changement. Je sens que je suis loin d'être franc quand le plan c'est de moins faire semblant. Je sens bien maintenant que le temps manque. Fini les belles phrases aux bonnes élocutions. Je prends l'âge et je m'engage à prendre de bonnes résolutions. Que des bonnes résolutions, Skyrock. Que des bonnes résolutions avec nous, Skyrock. J'entends rien. Que des bonnes résolutions, Skyrock. Que des bonnes résolutions, papa, bonnes résolutions. Que des bonnes résolutions, Skyrock. Que des bonnes résolutions avec nous, Skyrock. Que des bonnes résolutions, Skyrock. Que des bonnes résolutions, papa, bonnes résolutions. Aïe. Bang bang, ouais, ils applaudissent plus, maintenant c'est bang bang. On s'arrête là ou on continue? Non, on a un petit dernier, mais moi je pense que les gens peuvent se rapprocher, on est là, on est ensemble, on va sauter sur celui-là, vous n'êtes pas venus pour être posé, la famille, eh oui. Bon, c'était match en live. C'est bien ça. Et on va se faire un petit kush pour finir cette petite session, cette première session. Donc vous connaissez, il y a un kush qui vient, je vais vous entendre, on va sauter ensemble. Vous êtes chaud ou pas? Je vous vois, vous êtes là, donc c'est un qui saute pas, je le vois direct. Hein. Et oui. Hey yo Robs, envoie la kush. Spécial shout out à Tiller, my man. Aïe. Yeah. Tiller gang. Aïe. Yeah. Yeah. Au revoir la famille, je vous vois. Faites vraiment bien rouler et bien ferme. Rien acheté de la tête au cul, il nous manque plus que l'étincelle. Je la regarde, lui fais les yeux doux, je l'aime même si elle passe par toutes les cheveux. Voilà ce qui m'éclate, je les aime gras, c'est relou. Je la connais depuis tout petit, la loi m'a daronné les tubes poulet. M'obliger à la quitter, l'histoire est inarrêtable. Je reste avec elle à tout prix, je la suis partout, je fais la groupie calmer. C'est elle qui m'a bridé, personne résiste à ses charmes. J'avoue qu'elle est possessive, elle me rend mou, trop chétive. L'amour elle s'en bat les couilles, elle veut du papier. Qu'elle salope quand elle hausse les prix, fallait bien qu'elle monétise. Stop, j'ai pris assez de douilles, moi qui pensais gagner. Hey yo, j'ai dû la quitter, elle m'a retourné le vaussaire. J'aime la voir se déshabiller, je ressens sa présence dans nos concerts. Elle m'a tué, elle m'a eu, elle qui m'a fumé, elle m'a vu. Dans tous mes états, goût végétal, je l'aime démaquillé. Je l'aime nature, c'est pour mes gars sur au visage pâle. Qui la préfère bonne et mature? Lisa Hall. Depuis je l'ai quitté mon ego, maintenant je me tue au jardin. Je la fréquentais au lycée, elle me finançait mes quelques achats. J'avais les yeux qui brillaient quand je la voyais saper un Prada. Encore une qui pensait tranquillement s'installer dans ma vie de pacha. Elle est belle. Elle est belle. Bien taillée. Elle est douce. Hey yo, elle est belle, je l'adore. Chimique dans ma tête, elle est là-bas. Des pensées saines ou des pensées ternes. Je vois mes neurones qui s'évaporent. Elle danse dans le vent, comme la mif, je l'ai dans le sang. Elle fait des miracles, chaleur et mirage. Elle m'aide à rester dans le temps. En collant résine, je l'ai croisée en médecine. Je lui souhaite autant de liberté que j'en souhaite à la Palestine. J'aimerais bien qu'elle me laisse tranquille, qu'elle se casse, que je m'émancipe. Et quand elle chope la grosse tête, je la déracine. Dans le fond, c'est la seule, je ne veux vraiment pas la quitter. Pas la quitter. La flamme pourra toujours se raviver et se réanimer. Se réanimer. Son départ laisse toujours une odeur fraîche dans le cendrier. Dans le cendrier. Si elle n'est plus là, c'est le drame, je m'en remets à teaser. Baby, faites du bruit. Tiller gang. Tiller gang. C'est Tiller gang. Tiller gang. Tiller gang. Tiller gang. Tiller gang. Tiller gang. À l'instant, en live, c'était match. On peut faire du bruit pour c'était match en live dans l'émission. Merci à vous, messieurs, pour cette première soirée. Eh bien, merci à toi, déjà. Merci pour ce live, pour avoir régalé tout le monde. Yeah. Ouais, avec plaisir. L'album s'appelle Cozy Bang Bang. On va le découvrir tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. C'est bien ça. Cozy Bang Bang. Et le groupe, c'est 7 et match. Ils sont là tous les soirs sur Skyrock. Et juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre tes 4 entrées pour le parc Astérix. Pardon ? Dire stop. Ah, tu vas demander à Clara. Non, Clara, allô, Clara de Chamalières, ça va bien ? Allô. Ça va, allô, salut, ça va bien forme. Et toi ? Tout roule ? Ouais, la forme, la pêche. Bah écoute, nickel. Bienvenue, je te présente. Lourd, c'était ma chambre. Ah bah lourd. Voilà. Ah, c'est bien, j'adore. Donc Clara, tu vas accepter que Factice fasse tourner avec toi la roulette ? Ouais, grand plaisir. Et bah voilà, dès que tu veux, tu fais un tour. Franchement, tu réalises un rêve d'enfant, tu voilà. vois. Voilà, donc tu fais, tu sais quoi, vous faites tu fais un top 3, 2, 1 et après vous faites un beau stop ensemble. Ça marche. Allez, c'est parti. Bon, allez. C'est ton plan. 3, 2, 3, 2, 1. Stop. Voilà un rêve d'enfant réalisé, incroyable. Stop à gagner là, franchement. Ce sera à cause de Gini. Eh bien Clara, tu repars avec 4 passes pour aller au parc Astérix. Ça tombe bien. Nous on est 3. Nous on est 3. Ah oui, maintenant, franchement ça le fait. Maintenant faut partager avec cette match, hein, et Clara. Et on a dit stop avec toi, t'es foutu maintenant. Tu débrouilles, hein. Le petit sourire de Clara. Vous inquiétez pas, on va partager les gars. Je vous rappelle. Ça marche. On te fait un bisou Clara, passe une bonne soirée. Ça marche. Ouais, et vous profite bien avec Astérix, Obélix, Idéfix, et Falbala, c'est vrai. Falbala. Ah, avec eux, d'ailleurs, Falbala. Ouais, aussi, ouais. Merci à vous, les Est-ce gars. Est-ce qu'on peut rappeler rapido demain, 16h30 chez Tiller. Donc demain, c'est à Paris, pour ceux qui sont Paris, région parisienne. Exactement, voilà. Pardon, exactement. Radio demain, national, 16h30 à Tiller, c'est 11 rue d'Alexandrie. Donc, on va faire un street apéro, il y aura de la bière, on va teaser, on est là, on est au calme. Les 15 premiers qui arrivent avec l'album, ils auront un t-shirt. Et ouais. Ce t-shirt leur permettront d'accéder au Planet Rap avec nous. Voilà, s'ils sont chauds et voilà. De toute façon, ils n'auront pas le choix. Et... Donc, on commence le street apéro 16h30. 16h30. Séance de dédicace. Il se prolongera un peu dans entre 20 et 21. Ouais, t'inquiète, on a le champagne. On a prévu le champagne pour demain. Voilà quoi. Ouais, mais c'est du jus pour moi, ça. Donc, c'est gentil. Oh, vous allez apporter quelques degrés supplémentaires. Okay. Si vous voulez qu'on passe aux choses sérieuses, on va passer aux choses sérieuses pour le street apéro. Ah, pas de soucis, on t'attend. Okay. Je voudrais laisser un message rapide vas-y, à Viello la crevée. Viello la crevette, peut-être. Ouais. Tu cherches la merde, négro, tu cherches la merde. On va te clasher, tu vas voir, on a le micro ou pas toi. Ah, bah non, regarde, il a envoyé un dernier message. Il veut faire la paix avec toi. Ah ben voilà. Viens m'amène, tu ramènes la c'est contre. Super. Merci bon, à vous les gars. Une dédicace à MTP, une spéciale dédicace à la bonne école. Et m'amène à Kedah aussi. Que je dédicace tout particulièrement. Voilà. Et mon gars Kusai aussi. Et la famille. Et ma meuf et tout le monde en fait. Et on se retrouve demain juste avant 20h avec cet match. Passez une bonne soirée, merci à vous. Difool. Oui. Eh ben tu es là. Eh ben je suis là, oui. Donc demain il y a un apéro. Et un street apéro. Ouais, avec des t-shirts avec de la drogue dessus. C'est bizarre votre après-midi les gars. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un t-shirt Tiller, il y a toujours un petit truc dessus. Toujours un petit truc. Mais à consommer avec modération. Évidemment. Bien sûr, évidemment. Fredo, et on reconnaît là le Fredo raisonnable qu'on aime, bien sûr. En plus, c'est mon genre, toujours avec modération. Bien sûr. On le connaît bien, celui-là. Donc, demain, le Planet Rap, on ne sait pas dans quel état, mais 20h-21h, loupez pas le rendez-vous. C'était pas loupé, pas loupé. On sera là, 20h-21h, Planet Rap, et à 21h, Radio Libre. Ça démarre dans un instant sur Skyrock avec. Avec Nekfeu. On verra. Ouais, on verra. On va rien à foutre de rien. Le son de Nekfeu tout de suite sur Skyrock. Et puis vous tous et vous toutes en direct tout de suite aussi. Vous pouvez nous appeler. Toute l'équipe est là. C'est 01 53 40 30 20 pour nous passer un coup de fil tout au long de la soirée. Vous faites péter les messages, faites péter les réseaux sociaux. Et puis on donne notre rendez-vous demain 20h pour 7 matchs dans Planet Rap. Et puis à 21h dans un instant sur Skyrock. Tout de suite, coup d'envoi de la Radio Libre. Venez tout déchirer avec nous jusqu'à minuit. C'est parti. Radio Libre en direct et Nekfeu pour démarrer cette soirée. Il arrive dans une minute là, Nekfeu. Et on verra. Ciao Fredo, ciao, salut, ciao. Ciao. Ciao. Ciao.